On s'en va en Colombie-Britannique parler avec notre ami Marc-André Guénard qui est là-bas, puisque l'équipe de Laurent Guénard, de Boumsesni et d'autres membres de la région sont en tournoi au championnat canadien junior. Deux victoires et une défaite pour l'équipe de Laurent. Mais salut Marc-André. Salut Danny. Hey, mais j'imagine, quoi qu'il fait beau, là. On n'a pas d'affaire à chialer ici depuis quelque temps. Mais ça doit être en haut de zéro, hein? Oui, ici, ça gèle plus, là. Les températures sont en haut de zéro. Hier, il faisait 9 degrés. Il y a des fleurs et la température est très clémente. Hey, comment? Je sais que c'est pas la première fois que tu vas dans l'Ouest. Tu es allé il y a 2 ans, mais rappelle aux gens comment que le curling là-bas, comment que c'est une deux mondes de réalité avec ici, là. Oui, effectivement, Danny, le curling, là, à l'ouest du Québec, là, surtout que tu arrives en Ontario, on ne peut pas dire que c'est avant le hockey, mais disons que c'est un sport extrêmement populaire. Les partisans sont vraiment fanatiques, puis on a beaucoup de plaisir à être dans ce milieu-là. OK. Comment qu'il peut. Bon, avant de parler de Laurent, puis parler de l'équipe, puis qu'est-ce qui s'en vient, comment qu'il peut avoir de monde lors des finales, puisque c'est présenté là-bas, j'imagine, dans un gros complexe? Oui, effectivement, Danny, c'est un complexe, c'est un aréna. Puis adjacent, il y a un club de curling, de 6 glaces. Ouais. Puis on fait les glaces aussi sur la patinoire de hockey. Donc, il y a 5, 4 glaces disponibles d'un côté, plus 5, il y a 9 glaces disponibles pour l'événement. OK. Donc, c'est quand même très bien fait. Deux victoires, une défaite jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est satisfait du côté de l'équipe du coach? Je pense que c'est Marc Gervin, l'entraîneur de l'équipe. Est-ce qu'on est content? C'est sûr que le Nunavut puis le Yukon, c'est quand même pas une grosse opposition, mais est-ce qu'on est content quand même? Oui, ben, l'entraîneur, c'est Michel Blais. Michel Blais, oui, j'avais eu Marc Oui, Gervin, mais c'est Michel Blais, excuse-moi. oui, l'équipe est très satisfaite de ces deux victoires. Oui, c'était des équipes qu'il fallait battre, Ah ouais, c'est mais il y a sûr. des manières de battre des équipes, puis les filles ont très bien joué, ils n'ont pas laissé à part le premier match, là, où il y avait un petit peu de nervosité. Hier matin, contre le Yukon, ça a très, très bien été. En plus, hier matin, on n'avait pas, mais hier toute la journée, en fait, l'équipe n'avait pas le service, n'avait pas les services de la capitaine Camille Boisvert. Elle s'était blessée OK. la veille en débarquant de l'autobus. OK. Donc, mais comment ça marche dans ce temps-là? Y a-t-il une remplaçante? Y a-t-il Oui, ben le premier match hier matin, ils ont joué à trois, l'équipe a joué à trois. OK. Laura a skippé, puis les deux autres joueuses ils ont joué, puis. Et le match d'hier soir contre la Colombie-Britannique qui a été un excellent match, là, le meilleur match à date. Malgré une défaite en prolongation, ça a été un match parfait parce que l'équipe de la Colombie-Britannique, c'est une équipe aspirante au titre, là. C'est une équipe expérimentée avec de très bonnes joueuses. À ce moment-là, l'équipe avait une remplaçante. Il y a tout le temps, on appelle ça un pool de remplaçants. Donc, l'entraîneur a fait appel à une remplaçante. Ça a très bien été. Elle a joué à la deuxième position. C'est bien débrouillé dans les circonstances. OK. Là, aujourd'hui, c'est le nord de l'Ontario et l'Ontario. Quelle sorte. Est-ce que j'imagine que le nord, on est capable d'y battre, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est une journée cruciale aujourd'hui. Sans dire une journée sans lendemain, c'est qu'il faut absolument, idéalement, il faut aller chercher une victoire sur deux matchs. OK. L'équipe du nord de l'Ontario, c'est accessible. Oui. Par contre, faut pas prendre l'équipe à la légère. J'ai vu jouer, puis ils ont quand même une bonne équipe. L'équipe de l'Ontario, à soir, c'est accessible aussi, mais c'est une coche, c'est plus fort que le nord de l'Ontario. OK. Donc, il faudra que les filles soient prêtes. Ils jouent à l'heure du Congo-Britannique, ils jouent à 1h30 après-midi, donc à 4h30 heure du Québec. 16h30, et je pense que l'autre match, j'ai vu ça sur le site de Curling Canada, je pense qu'il est à 19h heure de BC, 22h heure du Québec, c'est ça? Ouais, il est à 18h30, le match ce 18h du soir. mois, donc c'est 21h30. Dis-moi, les gens, j'ai essayé de fouiller un peu hier, c'est pas en web diffusion, hein? Il s'est pas présenté, hein? Non, malheureusement, non. C'est pas web diffusé. Ça va être télévisé à À partir partir de de samedi. samedi. samedi à RDS2 et à TSN. Mm. Et il va y avoir des semi-finales qui vont être télévisées et les finales. Oui, effectivement. Donc, ça va être intéressant. Marc-André, on s'en parle plus tard cette semaine. Demain, moi, je pars à mon poste à Donne Radio Sport, mais on s'en parle mercredi pour savoir comment que ça va. Oui, en espérant que l'équipe soit parmi la ronde éliminatoire. Ben, effectivement. Donc, Marc-André Guénard, qui est à Victoria, en Colombie-Britannique, il nous parle de Laura Guénard et toute son équipe. 2 victoires, 1 défaite.